conducteur, sinon éducateur des autres, meneur d'hommes et de femmes. Il faut que dès le départ, avant la sortie, avant la prestation de serment, les candidats soient imprégnés de cette culture de neutralité politique. La neutralité politique, ajoutée à la loyauté, ça fait vraiment un officier digne de son nom, un officier qui est capable de jouir les liens, sinon de faire le travail lui demandé, sans toutefois avoir l'appréhension de trébucher à gauche, à droite, dans l'exécution de ses missions. Interrogé sur la neutralité de ces corps, alors qu'ils proviennent de différents groupes, le professeur Elias Senhamba, qui a fait un exposé sur la neutralité de ces corps, a expliqué que cela prend beaucoup de temps. Au regard de là, d'où nous venons, donc d'où l'armée vient, d'où la police vient, d'où le renseignement vient. Ce sont quand même des mouvements et des mouvements politiques armés. C'est quand même un, les anciens mouvements politiques armés et les anciennes forces armées nationales. Et là, tous ces éléments ont été mis ensemble et ils n'ont pas eu le temps de devenir véritablement un creuset national, une sorte de melting pot. Ça prend beaucoup de temps. À ce professeur d'ajouter que si les trois corps de défense et de sécurité gardent la neutralité, ils pourront défendre la nation et prévenir les guerres civiles. Si donc ces trois corps-là observent la ligne jaune à ne pas transgresser, ça veut dire garder absolument la neutralité vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des acteurs politiques. À ce moment-là, ils vont travailler pour la nation dans son ensemble. À ce moment-là, ils pourront défendre la nation et donc pourront prévenir la guerre civile. Et la guerre civile vient généralement de la gestion inéquitable entre les parties prenantes, entre les composantes de la population d'un pays. Durant les 42 ans d'existence, l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM a formé plus de 1800 lauréats, a souligné le colonel Grégoire Andorarigogna, commandant de cet institut des cadres militaires. Merci Mireille de l'Institut supérieur des cadres militaires. On passe à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure. Là-bas, 12 étudiants sont dans la main de la police depuis qu'ils ont commencé à réclamer la révision du nouveau décret instituant la pré-bourse. La police a déjà confirmé que les deux premiers ont été arrêtés pour les enquêtes sur un probable mouvement insurrectionnel au sein de cette institution, l'Université du Burundi. Les étudiants ont déjà arrêté les cours demandant la libération et la révision de ce décret. On fait le point avec Alain Désiré Bukayeneza. Parmi ceux qui sont déjà arrêtés figure Élisée Douchime. Il est délégué général au sein de la faculté d'économie, arrêté mardi de la semaine passée. Oda Singhonzimana a été arrêté la veille. Il est vice-délégué général des étudiants de l'Institut de pédagogie appliquée. Le porte-parole de la police nationale a déjà annoncé que les deux sont auditionnés au sein du service national de renseignement pour une probable insurrection qu'ils préparaient au sein de l'Université du Burundi. Diodonné Bigirimana, un autre délégué de la faculté d'économie, a été arrêté ce dimanche pour une deuxième fois consécutive. Il avait été relâché après son arrestation avec deux autres de l'Université du Burundi et deux de l'École normale supérieure au moment de leur comparution jeudi le 16 mars cette année devant le parquet du tribunal de grande instance de Mukaza. À côté de ces trois étudiants, six autres ont été arrêtés après une bagarre survenue la nuit de ce samedi au campus Mutanga. Les étudiants disent que ceci ne devraient être retenus dans le même dossier. Et pour cause, continuent ces étudiants, cette bagarre n'a rien à voir avec les doléances des étudiants concernant la révision du nouveau décret. Entre-temps, les étudiants de l'Université du Burundi ont déjà arrêté les cours depuis jeudi de la semaine écoulée. Ils demandent la libération de leurs condisciples, tout comme ceux de l'École normale et supérieure qui ont déjà arrêté les cours il y a déjà une semaine. Tous demandent la révision du nouveau décret instituant le système de pré-bourse qui pour eux constitue une entrave aux enfants de simples citoyens pour accéder à l'université. Alain Désiré Bukayeneza, précisons que le porte-parole de la police nous a dit qu'il s'agit de 12 étudiants et non 9, comme nous le disions dans nos éditions de la mi-journée, mais il n'a pas réagi au sujet de ceux qui continuent d'être arrêtés. Et en dialogue franc entre tous ceux qui pourraient apporter leur contribution sur la question du nouveau système d'octroi de la bourse est nécessaire. Un des anciens des représentants des étudiants de l'Université du Burundi appelle et le gouvernement et les étudiants, chacun, à ne pas rester sur sa position. Eric Nguburundi estime que ce décret instituant la pré-bourse ne devrait pas être appliqué immédiatement. La question de la Prébourse, c'est une question qui date de très longtemps parce que même dans les années 2004-2005, on avait tenté à supprimer la bourse pour remplacer avec le système de Prébourse. Mais en réalité, dans cette période, il y avait quand même un compromis parce qu'on essayait de mener des rapprochements, des dialogues à travers plusieurs niveaux. Et sinon, en réalité, la bourse conditionne la vie de tout étudiant, qu'il soit externe ou interne. Donc, supprimer la bourse implique automatiquement la privatisation de l'université dans son entièreté, surtout pour ce qui concerne le service de la régie des œuvres universitaires, parce qu'il s'agit notamment des services sociaux qui, en principe, sont conditionnés par l'obtention de cette bourse. Dans ce cas, ça veut dire que la pré-bourse ne peut en aucun cas satisfaire tous ses besoins de l'étudiant. C'est pour cette raison que, quand même, je pense que la mesure a été brutale et que la revendication des étudiants est légitime et mérite même la compréhension de tous les partenaires. Surtout que ces étudiants, la grande partie, sont issus de familles pauvres. Mais là aussi, ils auront un problème aussi de majorer sur cette pré-bourse pour qu'ils puissent accomplir tous les besoins. Comme la mesure a été brusque, ça, c'est un problème, mais pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus de tous les partenaires. Bien sûr que la question a été dictée par la conjoncture économique, ce qui fait que, à mon avis, je propose qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait une gestion qui se fait à travers un dialogue entre les étudiants et l'autorité électorale, en plus aussi de tous les partenaires de l'éducation, avoir même la présidence de la République, même l'implication des députés pour que quand même tous les côtés puissent se ressaisir. Donc il ne faut pas qu'il y ait un bras de fer, il ne faut pas non plus que le gouvernement use de la force. Il faut à leur part qu'ils puissent se demander en premier lieu ce rapprochement, ce dialogue pour qu'ils soient écoutés. Moi je pense qu'il faut une résolution consensuelle, qu'il faut un compromis qui provient d'un dialogue qui rassemblerait tous les partenaires. Eric Ngengo Burundi, c'est un ancien représentant des étudiants de l'Université du Burundi. Et l'Université du Burundi qui vient de déclarer que les auteurs de la lettre annonçant un préavis de grève adressé au président de la République seront sérieusement punis pour faux et usage de faux. Au cours d'une conférence de presse cet après-midi, lundi, le recteur de l'Université du Burundi, Banyankimbona Gaspard, a également nié que cette institution est derrière les arrestations qui sont faites à l'endroit de certains universitaires. Suivez-le, il est recteur de l'Université du Burundi. J'ai bien dit que les coupables seront identifiés et punis selon la réglementation en vigueur à l'Université du Burundi, sur lesquelles les sanctions n'excluent pas une sanction pénale. Mais rassurez-vous qu'à l'Université du Burundi, il n'y a pas de prison. Donc on ne pourra jamais emprisonner des gens. Nous, on ne donne que des sanctions académiques. S'il y a des étudiants qui sont incarcérés, mais vous savez, ici à l'Université du Burundi, nos étudiants, en tout cas le moins âgé à 18 ans, il est donc majeur. Il peut être responsable de ces faits, que ce soit ici à l'Université du Burundi ou en dehors de l'université. Et d'ailleurs, à la petite histoire, en tout cas, chaque jour presque, il y a toujours au moins un étudiant de l'Université du Burundi qui est en prison. Ce n'est pas très anormal que de retrouver des étudiants en prison, mais c'est que cette fois-ci, ça arrive au moment où il y a un climat d'incompréhension. Et c'est peut-être ce qui vous fait dire que cela serait lié. Sinon, d'habitude, qu'est-ce que nous faisons quand nous apprenons qu'un de nos étudiants est en prison? Nous avons notre responsable de la sécurité et c'est lui qui se saisit de la question. Et chaque fois qu'on est informé, on suit les dossiers de ces étudiants au cas par cas. Et bien sûr, je ne garantis pas que nos étudiants sont des anges. Le suivi ne garantit pas la libération. On va certainement s'informer au cas par cas. C'était le recteur de l'Université du Burundi, Gaspard Banyankimbona. Et c'est à partir de ce lundi que les tarifs de transport des matériaux de construction par camion ben ont commencé à être appliqués dans la province de Gitega. Les propriétaires de ces véhicules justifient l'augmentation de ces tarifs par la hausse incessante de différentes taxes, y compris l'argent payé au ministère de l'Environnement, ainsi que la cherté des pièces de rechange pour leurs véhicules. Arthur Kavarouchi pour plus de détails.